Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Chaque jour, 30 000 Français consultent un des 10 000 astrologues officiant en profession libérale et acceptent de payer entre 30 et 300 euros la séance. Pour, croit-il, connaître l'avenir ou plus simplement encore trouver une oreille attentive à leurs préoccupations. Le problème, c'est que la science et l'astrologie ne jouent pas dans la même cour et quand l'astrologie tente de se faire passer pour une science, rien ne va plus. Deux invités avec nous aujourd'hui. Philippe Zarca et Daniel Kunt. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour. Philippe Zarca, vous êtes chercheur en astrophysique, directeur de recherche au CNRS et vous travaillez au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique à l'Observatoire de Paris, donc c'est le LESIA. Daniel Kunt, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes astronome à l'Institut d'astrophysique de Paris, l'IAP, et vous êtes spécialiste en astrophysique extragalactique et en cosmologie. Alors on peut remarquer tout de suite pour commencer cette discussion sur l'astrologie, finalement, il y a peu d'astronomes qui s'y frottent au sujet. Est-ce que ça veut dire que la plupart des gens, Philippe Zarca, ont abandonné cette discussion ? C'est-à-dire que c'est un sujet un petit peu sulfureux dans la mesure où quand on... Bon, d'abord, on a beaucoup de choses à faire en tant que chercheur. D'abord, faire de la recherche, donc avoir des résultats, les publier, les diffuser, faire des conférences, écrire des articles. Donc on n'a pas un temps infini à passer là-dessus. Et ensuite, c'est un sujet qui est un petit peu sulfureux parce qu'on va être amené, on va être noyé, en fait... Si on s'intéresse à des études qui ont été faites par d'autres personnes, il va falloir décrypter tous les biais en fait, liés au protocole des expériences, choses comme ça. Et si on veut faire des études soi-même, ben, c'est un lourd investissement, comme l'ont montré les quelques expériences sérieuses qui ont été faites. Donc voilà, c'est pas un sujet pour lequel il y a des financements, des fléchages, des choses comme ça aussi. Alors pourquoi le faites-vous ? Alors en fait, d'abord il faut dire qu'on l'a fait en parallèle à notre activité de recherche donc normale. Et ensuite, c'était par intérêt intellectuel, par intérêt épistémologique, pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière, quelles questions profondes ça soulevait. Pour moi, c'est pas tant une croisade du tout contre l'astrologie que le fait de se poser la question finalement, est-ce que c'est une science ? Qu'est-ce qu'une science ? Qu'est-ce qui différencie l'astrologie d'une science, finalement ? C'est un peu ce genre de questions qu'on peut se poser. Alors, vous êtes tous les deux co-auteurs de l'astrologie Que sais-je, un que sais-je, le dernier que sais-je sur l'astronomie paru aux presses universitaires de France. Je dirais pratiquement même question, Daniel Kunt, quand on a interrogé il y a quelques années pour Ciel et Espace Evry Schatzman, donc on peut dire le père de l'astrophysique en France, il disait que, étant donné que l'astrologie est basée sur la croyance, je ne vois pas aujourd'hui comment un raisonnement scientifique aurait une quelconque influence sur elle. Réfuter les idées astrologiques est sans intérêt. Tenter de raisonner les astrologues avec. De raisonner avec les astrologues reviendrait, selon le terme de Paul Couder, à boxer un oreiller de plume. Vous êtes d'accord avec ça ? Ah oui, je suis tout à fait d'accord, mais même Evry Schatzman n'a pas été le dernier à pourfendre certaines croyances comme celle de l'astrologie, justement. Mais tout en reconnaissant que l'exercice est très difficile. Alors, comme l'a dit Philippe Zarca, si l'exercice est difficile, c'est d'une part notre métier qui nous l'impose, cette difficulté, mais aussi parce que on ne joue pas dans la même cour, vous l'avez dit. D'un côté, vous avez une science, d'un autre côté, vous avez une croyance, des pratiques, et donc l'exercice n'est pas évident. Alors ce qui nous gêne finalement, et pourquoi on le fait, c'est parce que nous avons quelque chose en commun quand même, qui est le ciel. Voilà. Et ce ciel, le fait de l'avoir en commun, ça nous dérange plutôt que ça nous arrange de part et d'autre. Bon. Et donc on veut savoir, et ça nous intrigue quand même, moi ça m'a interpellé, comment se fait-il que, regardant le même objet, on ne le désire pas de la même manière. C'est-à-dire, d'un côté, on tire des conclusions qui sont de nature scientifique, et de l'autre côté, eh bien, on cherche à trouver des clés sur notre futur, notre avenir, en gros notre destin. Je crois que c'est ça qui fait qu'on continue à s'y intéresser. Le ciel des astronomes est-il le même que le ciel des astrologues ? Parlez-vous de la même chose ? On parle absolument pas de la même chose, non, c'est vrai. C'est vrai que c'est très très différent. Notre ciel, le ciel des astronomes, c'est considérablement agrandi depuis Galilée, à l'aide de sa lunette, a compris que l'univers était profond et qu'il y avait un nombre incalculable d'astres, alors que celui de l'astrologie reste tristement limité finalement aux constellations du zodiaque et puis aux quelques planètes qu'ils utilisent pour du système solaire, qu'ils utilisent pour construire les horoscopes. Donc c'est extrêmement différent. À la limite, l'univers invisible nous intéresse beaucoup plus que l'univers visible, sauf évidemment ceux qui travaillent précisément sur les astres du système solaire, la planétologie. Philippe Zarka, vous tentez avec Daniel Kunt dans ce que sais-je de faire une définition de l'astrologie. Est-ce qu'on peut simplement poser les termes de ce qu'est l'astrologie aujourd'hui ? Ben, disons que c'est l'astrologie en fait, finalement à partir d'une grille astronomique extrêmement simple, qui sont simplement les positions relatives et les mouvements, mais surtout les positions de quelques astres qui sont les planètes. Donc d'ailleurs, on aura peut-être l'occasion de discuter de Pluton, qui sont les planètes, la Lune et le Soleil, par rapport à un arrière-plan fixe et immuable que sont les constellations. Eh bien, c'est de proposer un langage symbolique et éventuellement une grille de prédiction, en fait. Donc, et on va relier sur des en partant de postulats qui ont été énoncés depuis Aristote et avant, en fait, on va tenter de relier finalement les positions des planètes à la destinée des gens, aux événements terrestres et à la psychologie des gens. Donc c'est une espèce de grille de décodage symbolique. Alors ça a une histoire, c'est-à-dire que l'astrologie, comme vous le soulignez, a comment dire, des racines et des fondements très anciens, très profonds, on les connaît ? Oui, on les connaît. Je pense que Daniel en parlera mieux que moi, mais enfin, les fondements sont babyloniens, et puis l'astrologie est essentiellement devenue ce qu'elle est depuis les Grecs. Les racines de oui, c'est ça. C'est 2500 ans avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. On voit effectivement s'échafauder pour la première fois le zodiaque. Les astrologues existaient déjà. C'était d'ailleurs des astronomes à l'époque. C'était indiscernable. C'est la même chose, la même fonction. Leur fonction était aussi de nature religieuse parce qu'ils avaient un lien très, très direct avec les puissants. Et ce qu'il fallait, d'ailleurs, c'était une astrologie collective. L'idée, c'était de prédire le destin d'une nation, être l'oracle, enfin, se substituer à l'oracle, être capable de dire, voyez, le ciel m'a dit que aujourd'hui, c'est pas le bon jour pour attaquer le voisin. Hein, il vaut mieux rester tranquille et puis remettons-nous à demain. Voilà, c'était ça, la fonction. L'astrologue astronome tient à la fois le calendrier et en même temps guette tout ce qui se passe dans le ciel comme événement. Exactement. D'ailleurs, pour cette raison-là, ils connaissaient assez bien quand même le cheminement des planètes. Ils avaient repéré effectivement que la Lune, le Soleil se déplaçaient dans une bande assez restreinte qui est constitutive de ce que l'on appelle le zodiaque aujourd'hui et qu'on utilise encore. Les signes de l'astrologie sont les signes des constellations, les noms des constellations qui forment le zodiaque. Alors ensuite... Ce sont des observateurs. Et alors ensuite, oui, c'est ça. Alors donc, vous avez les fondements. Là, on commence à voir ça. Et ensuite, il faut attendre les Grecs. Les Grecs reprennent, à la suite des conquêtes d'Alexandre, exportent, ou importent plutôt l'astrologie, et en font quelque chose de plus rationnel, parce qu'il y a Pythagore, il y a ce sens de l'harmonie, du nombre, de la rationalité. Donc, vous avez un mélange de rationalité et de croyance et de religiosité qui a donné quelque chose de relativement bâtard, c'est vrai, mais extrêmement efficace et qui a traversé dans l'esprit, je veux dire, qui a traversé les siècles pour exister encore aujourd'hui et qui donne à l'astrologie cette espèce à la fois d'attrait et de curiosité et effectivement en fait un objet de débat. Enfin, quand Daniel dit efficace, ah. Efficace par l'impact sur l'esprit des gens, pas par l'efficacité absolument. Des prédictions. Merci Philippe. Merci. Après les Grecs, on arrive chez les Romains. Oui, alors bien sûr, ensuite il y a des hauts débats. Il y a eu une période où chez les Romains, ça a été, les astrologues étaient assez mal vus. Hein, les Chaldéi, on les appelait, parce qu'on savait qu'ils venaient de la Chaldée. Et ensuite, au contraire, bon, il y a eu d'autres empereurs qui se sont pris d'affection pour l'astrologie. Et puis bon, on continue jusqu'au Moyen-Âge. En Moyen-Âge aussi, les rapports entre l'astrologie et l'Église ne sont pas simples. Oui, parce que c'est le même. Enfin, encore une fois, il y a un conflit d'intérêts quand absolument. On parle du ciel. Hein, et puis la notion de libre-arbitre, d'ailleurs. Qui pose problème à l'Église, à tel point que Thomas d'Aquin s'empare du problème en se disant, bah, après tout, il y a quand même deux façons de voir les choses. C'est vrai que l'astrologie, d'une certaine manière, dit comment les astres vont influer jusqu'en bas, là. Mais l'homme a toujours le droit, par la raison, d'avoir la possibilité de décider tout seul. Donc, finalement, il y a un certain intérêt que certains... clair de l'Église prennent pour l'astrologie. Et finalement, ça finit par fonctionner quand même. Enfin, il y a toujours eu quand même des rapports difficiles. Et puis, on arrive, pour terminer, en ce qui concerne la France, bien sûr, on arrive à Louis XIV. Alors là, il y a eu des affaires compliquées, en particulier l'affaire des poisons, où il se trouve que l'astrologie a été plus ou moins impliquée, et il y a eu des messes noires, il y a eu plein de choses. Les astrologues n'étaient pas les seuls à être impliqués. Mais enfin, ça a été un moment difficile, et qui a ébranlé d'ailleurs le règne de Louis XIV, à tel point que Colbert demande l'interdiction et la fermeture du collège d'astrologie. Ça se passe en, je crois que c'est 1660 ou 1782, si mes souvenirs sont exacts. Et là, c'est un moment important, parce qu'en ce qui concerne la France, effectivement, l'astrologie devient une activité prohibée, interdite. Elle était enseignée en Sorbonne, si en je puis dire. En Sorbonne, oui, bien sûr, c'était tout à fait. Elle est déjà... Alors, ensuite, les Lumières même s'emparent La Fontaine. Hein, il y a une fable de La Fontaine où il dit clairement, je ne me souviens plus très bien du nom de la femme, enfin beaucoup d'intellectuels et d'hommes de philosophes, pas spécialement les scientifiques d'ailleurs, s'opposent à l'astrologie. Et donc on arrive comme ça jusqu'au 20e, au 19e siècle, l'astrologie a relativement disparu de la scène officielle. Hein. Ça veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle prend une autre, d'autres cheminements. Alors, avant d'arriver à ce réveil de l'astrologie, astrologie moderne, il y a quand même des figures chez les astronomes dont il faut que vous me parliez. C'est la figure de Newton, la figure de Kepler, qui n'ont pas. Enfin, Newton, ça a été un peu plus compliqué, mais en tout cas, Kepler, en tout cas, n'a jamais fait mystère de gagner sa vie en faisant des horoscopes. Donc, ça faisait partie du travail de l'astronome de la Renaissance. C'est-à-dire qu'en fait, pour revenir un tout petit peu sur ce qu'on vient de dire, on peut comprendre que jusque, en gros, au XVIIe siècle, on va dire, hein, grossièrement, on peut comprendre finalement le lien qu'il y avait entre astronomie et astrologie. Le cosmos, comme Daniel l'a dit tout à l'heure, était petit. Il se limitait au système solaire et à un fond d'étoiles fixes. Mmh. Il y avait des liens clairs entre, par exemple, les mouvements de la Lune et les marées, donc entre certains phénomènes célestes et certains phénomènes terrestres. Et donc, on pouvait... disons, extrapoler un petit peu ces phénomènes en se disant que finalement il y aura aussi des liens sur les activités humaines. Mais au XVIIe, en fait, ce qui se passe, c'est que avec le développement de l'astronomie, l'agrandissement, voire vers l'infini, en fait, du cosmos, eh bien, la science était moins technique et moins spécialisée qu'aujourd'hui, et l'honnête homme dont vient de parler Daniel, La Fontaine ou Voltaire, qui était suffisamment cultivé, pouvait commencer à comprendre, avoir une grille d'analyse suffisante pour voir que finalement ces phénomènes se désolidarisaient et finalement l'astrologie était basée sur des conceptions extrêmement limitées et extrêmement fausses finalement des liens supposés, et l'astronomie à partir de là a pris son essor. Alors les gens comme Kepler, effectivement, ils sont à la charnière, donc ils sont à la fois à la charnière entre un monde magique et un monde scientifique, et puis ils œuvrent pour développer l'aspect scientifique, puisque Kepler, bon, avec le développement des lois, c'était une approche extrêmement rigoureuse des observations, et à la fois il n'y avait pas de CNRS à l'époque, il fallait bien vivre, il fallait des mécènes, donc il fallait aussi se servir un peu de la croyance magique dans ces pratiques. Mais je pense que Kepler lui-même, enfin il y a beaucoup de citations, hein, entre la mère sage et la fille folle, ou la mère folle et la fille sage, je ne me rappelle plus, entre l'astronomie et l'astrologie, qui explique bien que par nécessité, eh ben, on continuait à s'intéresser aux deux. Bon, Newton et l'alchimie, disons que la rupture intervient à ce moment-là. Newton, c'est sans doute un peu plus complexe, parce que justement, on a caché ce côté qui pouvait ternir en quelque sorte l'image de Newton, mais bon... C'est la science officielle qui a caché, parce que Newton s'en est pas caché lui-même. Il y a 90% des œuvres de Newton relèvent de, justement, l'astrologie, le mysticisme. C'était quelqu'un de profondément mystique. Et effectivement, toute cette partie de l'œuvre de Newton a complètement disparu, et c'est vrai que la partie géniale, c'est quand même la partie scientifique. Mais c'est vrai, pour reprendre ce que dit Philippe, et pour terminer avec ça, c'est vrai que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. Il y a tout un passage qui s'articule un petit peu avant et après Galilée, hein, au moment de Copernic, ensuite Galilée. Le passage de ce qu'on peut appeler la pensée magique, l'idée était qu'on était dans un monde clos, religieux, et l'homme, il fonctionne sur la base de la croyance qu'il y a des choses qui sont révélées. Bon. Alors qu'ensuite, on a une position complètement différente, qui est une position humaniste, où on se dit finalement, l'homme a le droit de questionner la nature. Il ne fera d'ailleurs pas ombrage à la religion. Je pense que le christianisme a aidé, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Et donc, il va partir à l'aventure de la connaissance. Et là, ça lui donne une position très différente, beaucoup plus agressive, beaucoup plus indépendante. Et c'est là qu'on voit les Lumières. Et bon, mais ça se fait en même temps. Cette période est évidemment compliquée. Qu'est-ce qui gênait le plus les Lumières ? C'est ce déterminisme, l'idée que, finalement, quelque part, l'astrologie considérait que le destin de l'homme était prédéterminé, inscrit dans les étoiles, et qu'il n'était pas maître de son destin ? Oui, je pense que les Lumières vont effectivement se détacher d'une partie de la religion. D'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous athées, hein, c'est pas le problème. Le problème, c'est de se dire l'homme doit exister en tant que tel. C'est l'esprit de la Renaissance qui souffle et qui est repris par les Lumières. Et je pense que c'est ça qui gêne à ce moment-là. Alors, pour boucler cette histoire, arriver à la période contemporaine, finalement, cette astrologie, comme vous l'expliquiez, supprimée en enseignement par Colbert en France, ressurgit au début du XXe siècle. Est-ce que c'est la presse, les gazettes, qui fait remonter et ressurgir et donne cette vague nouvelle et extraordinaire bon, que, elle disparaît pas aujourd'hui. Oui, elle disparaît pas, l'astrologie, pour autant. C'est pas parce que vous supprimez le... Vous supprimez le liquide que la soif n'existe plus. Hein. Bon. Donc, il y a des gens qui ont ce besoin-là. Ils ont besoin de savoir. Parce que les astrologues se proposaient de dire à quelqu'un voilà ce qui va se passer demain, faites ceci, faites cela. Bon, les gens ont besoin. On va peut-être en reparler. Pourquoi les gens ont toujours, encore aujourd'hui, besoin de, qu'on leur raconte des choses sur leur devenir ? Bien, donc, ce besoin existant encore. Les gens qui ne se tournent pas immédiatement vers la religion ont besoin de ça. Alors, il y a effectivement des feuilles qui circulent. Il y a les almanachs, il y a les colporteurs. Et donc, ça circule au 19e jusqu'au 20e siècle. Il y a quand même l'astrologie officielle n'existe plus, mais pour autant, et d'ailleurs d'une manière qui ne peut plus être contrôlée. Bon, c'est un danger différent, hein, parce que ça devient vraiment une science occulte, si je puis dire. Science. Mais en fait, je pense qu'on y reviendra. Et finalement, la réponse aux besoins d'astrologie, en fait, des gens. Je crois qu'il y a eu des études de sociologues, de psychologues. Oui. Enfin, c'est maintenant... Je pense qu'on comprend ça relativement bien. Bon, l'homme moderne plus que l'homme du siècle dernier est angoissé par beaucoup de choses, dont en particulier l'avenir de l'espèce, la technoscience, les dangers que font courir les développements de la science à la société, enfin plein de choses. Et cette angoisse, bon, il faut essayer de vivre avec. Alors, on peut faire appel, par exemple, à des psychologues ou à des psychiatres, mais dans ces cas-là, ou à des psychanalystes. Dans ces cas-là, en fait, on est amené à essayer de trouver les ressources pour finalement lutter contre cette angoisse à l'intérieur de soi-même. C'est ce qu'essayent de faire, en fait, les psychologues. Bon, les astrologues, en fait, on propose quelque chose d'extrêmement confortable. C'est un déterminisme un déterminisme planétaire, en fait, qui leur permet d'asseoir leurs propositions psychologiques en se fondant sur quelque chose de prétendument objectif, qui sont les positions des planètes. Et à ce moment-là, évidemment, c'est beaucoup plus facile, si on est prêt à accepter ce discours, eh ben, c'est beaucoup plus facile, disons, de vivre en se fondant là-dessus, de mettre ses actes en adéquation avec les prédictions astrologiques, et effectivement, c'est plus confortable psychologiquement. En plus, bon, c'est assez globalisant, et ça relie l'homme au cosmos.